Allez, nouvelle table ronde pour la 20e édition de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique. Alors, premier élément de cette discussion, l'artificialisation des sols, soit la transformation chaque année de milliers d'hectares de terres naturelles, forestières, en zones urbaines, industrielles ou de loisirs. Et les conséquences sont la perte de qualité d'un milieu naturel, l'altération de la biodiversité, l'arrêt de cycles naturels et, de manière plus spectaculaire, l'imperméabilisation de ces sols et les effets dévastateurs des inondations lors d'intempéries, ça c'est ce que l'on voit. Alors, second élément pour cette table ronde, les enjeux de l'artificialisation des terres agricoles. Sous un exemple concret de projet comme celui de Nervieux à la jonction de l'A72 et de l'A89 qui interroge sur la mutation de terres agricoles, la réduction de leur superficie sous l'éclairage d'une production d'électricité grâce au rayonnement solaire. Voilà, c'est l'installation d'un champ de panneaux photovoltaïques. Alors, un grand projet sur 9,3 hectares qui pourraient refléter ou faire écho ou redondance avec d'autres lieux couverts déjà de béton, sous-utilisés, non utilisés ou utilisés d'une manière un peu particulière. Alors, pour en parler aujourd'hui, cette discussion que l'on a ce matin, c'est Patricia Simona et Stéphanie Moulin de la Confédération Paysanne. Nous avons également Gilles Collange de Forêts Agir. Alors, bienvenue à tous les trois sur cet espace radio dans Tatou Juste. Alors, petit tour de table rapide. Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter, histoire que l'on sache finalement pour nos spectateurs ici et pour nos auditeurs qui se cachent derrière ces voix. Allez-y, prenez la parole, choisissez le point de départ, c'est libre. Allez, je commence. Donc Stéphanie Moulin, moi je suis paysanne dans les Monts du Forêt, tout en haut, en limite avec le Puy-de-Dôme. Et donc je suis une des responsables de la Conf de la Loire, donc Confédération Paysanne de la Loire. Voilà, je suis secrétaire. Alors bonjour, moi je suis Patricia Simonin, je suis maraîchère à Saint-Chamond, donc en zone périurbaine, tout près d'ici. Et voilà, je suis aussi élue à la Confédération Paysanne. Je suis élue à la Chambre d'Agriculture. Oui, bonjour, Gilles Collange. Je suis membre de l'association Forêt Agir, qui est une association domiciliée dans la plaine du Forêt à Suril-Comtat, l'association Loire 1901, qui a pour objet de mener des débats locaux sur l'aménagement du territoire, le territoire forésien. Son but, c'est informer et débattre avec les habitants des moyens à mettre en œuvre pour renforcer la qualité de notre bassin de vie. Alors, on parle notamment des modes de transport. On s'intéresse à tout ce qui est ferroviaire, évidemment, et à l'aéroport d'Andrézieux-Boutéon. Voilà, donc du coup, on va faire un lien entre Forêt Agir et finalement la Confédération Paysanne. Et on part donc cet exemple-là, Nervieux, donc la jonction de la 72 et de la 89. Et là, un propriétaire terrien, un paysan, un agriculteur décide de transformer finalement ce terrain en une usine de fabrication d'électricité par le biais de panneaux photovoltaïques. Alors, c'est quoi cet exemple-là ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, finalement, rentrer un peu dans ces détails-là ? Pourquoi ça vous a finalement alerté au niveau de la Confédération Paysanne ? Eh bien, écoutez, c'est une prairie, c'est un terrain agricole, et le propriétaire, mais pas tout seul, il a été bien accompagné par une entreprise qui lui a proposé de mettre des panneaux solaires sur ce terrain de 10 hectares. Donc dans ces cas-là, on clôt le terrain complètement, on met une clôture tout autour, et puis on plante des panneaux sur une prairie qui est plutôt une bonne prairie. Enfin, nous, on est allés sur place, il y avait de l'herbe, il y avait des cultures, il n'y avait pas de problème, et on la transforme, un bon terrain agricole en une production agrivoltaïque, donc en une production d'électricité solaire. Alors, on va se demander pourquoi. Là, quelle est la raison, finalement ? Ah ben, la raison, c'est de rapporter beaucoup d'argent. Alors, en l'occurrence, le propriétaire et le paysan, c'est la même personne. C'est rarement le cas. Les paysans dans la Loire, mais généralement en France, sont rarement propriétaires de tout leur terrain. Donc souvent, c'est le propriétaire qui a envie de faire ce projet, et après il est obligé de partager l'argent qui vient de la location de photovoltaïque avec le paysan. Donc il y a un partage de la valeur, mais Mais en l'occurrence, c'était la même personne qui était propriétaire et agricultrice. Et elle voulait gagner plus d'argent que simplement la production agricole. Donc voilà, c'est quand même des projets qui rapportent beaucoup, beaucoup plus évidemment que de la production agricole. Donc on sent bien que quand on a des projets comme ça, la production agricole qui est dessous, parce que quand on parle d'agrivoltaïsme, il y a quand même un cadre qui a été posé. Donc normalement, on doit continuer la production agricole sous les panneaux. C'est quand même très important. C'est pas du photovoltaïque au sol, qui est simplement des panneaux qui sont posés sur le sol. C'est vraiment des panneaux qui sont posés sur des poteaux en hauteur. Et donc la production agricole doit continuer dessous. C'est une des contraintes. D'accord, c'est une des contraintes. Et là, est-ce que c'est le cas dans ce projet-là ? Est-ce que c'est, est-ce qu'on a la capacité de continuer à produire dessous ces panneaux ? Alors là, c'est un peu là-dessus. Au début, on n'était pas. Au début, qu'on a découvert ce projet-là, on pensait que c'était de l'agrivoltaïsme. Mais finalement, c'est pas. Donc, l'agrivoltaïsme, c'est ce qu'on disait. Donc, c'est quand il y a de l'agriculture qui continue à perdurer dessous. Là, c'est du photovoltaïque au sol, simplement parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ce terrain n'est pas classé en zone agricole. En fait, il y a eu un choix qui a été fait par la mairie en 2008, quand ils ont fait le PLU, de passer ce terrain en zone non agricole, parce que c'est à proximité de l'autoroute, etc., et qu'il y avait un potentiel de développement par rapport à ces terrains-là. Mais il n'empêche que depuis 2012, les terrains sont exploités, comme l'a dit Patricia tout à l'heure, donc c'est de la prairie, certes, mais le paysan va toucher des aides PAC dessus depuis ces dates-là. Donc, y a vraiment une contradiction. C'est-à-dire on peut faire du photovoltaïque au sol parce que ce n'est pas une terre agricole, classée comme terre agricole, mais elle est exploitée en agriculture. Donc c'est là, nous, où ça nous a vraiment posé un problème, où on s'est dit, aïe, il y a un loup ici. Donc c'est là qu'on a vu que c'était effectivement au PLU, elle n'était pas classée comme ça. Et on s'est dit, mais en fait, s'il y a celle-ci, c'est qu'il doit y en avoir plein d'autres. Et effectivement, il y en a beaucoup dans la Loire qui sont classés comme ça, qui sont utilisés par l'agriculture, mais qui ne sont pas classés en agricole. Et du coup, ça veut dire que si ce projet-là voit le jour, c'est le début de tout un tas d'autres projets qui empiéteront sur l'agriculture. Alors, on comprend bien que la Confédération paysanne est vigilante sur ce sujet-là. Quand vous discutez entre vous et puis avec d'autres personnes, avec ces propriétaires terriens, ces agriculteurs qui ne sont pas forcément de la Confédération paysanne, j'imagine, est-ce qu'il y a des échanges ? Qu'est-ce que vous argumentez ? Alors, on traduit l'expression de vos visages pour nos auditeurs. J'imagine que la discussion est souvent stérile. Non, pas tant que ça. Ah, ben voilà. Pas tant que ça. Enfin, en tout cas, sur la Loire, jusque-là, on avait un consensus avec les autres syndicats pour dire on ne veut pas d'agrivoltaïsme chez nous, on ne veut pas de photovoltaïque au sol sur des terres de ce type-là. On est assez raccord. Sauf qu'il y a une pression telle en face, et puis d'autres départements qui sont des départements pilotes sur des projets comme ça, qui poussent. Et du coup, l'idée, c'est de trouver des consensus. Là, pourquoi pas, avec tout un tas d'excuses et de pirouettes. Alors que nous, notre discours, c'est non. En fait, on n'en veut pas. Il y a des terres agricoles, on veut les garder. Et il y a plein d'autres terres artificialisées, mais tu vas en parler maintenant, qui pourraient être utilisées pour ça. Moi, j'ai juste une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que vous êtes soutenu dans votre démarche par d'autres syndicats agricoles, notamment la FNSEA ? Alors, pour le coup, même s'ils partagent plus ou moins nos idées là-dessus, là, la Confédération paysanne, avec deux autres associations, on a déposé un recours au tribunal administratif, mais non, la chambre, le syndicat majoritaire, elle n'a pas voulu suivre. On les a sollicités, mais ils n'ont pas voulu nous suivre là-dessus. Alors, vous évoquiez, vous avez utilisé ce terme, en face. Qu'est-ce qui se cache dans ce en face ? Ce sont les communes, ce sont les institutions, ou ce sont les industriels, finalement, et les producteurs d'électricité ? Eh bien, un peu tout ça. Donc ça fait un beau mélange, ouais. On le voit, nous, en tant que paysans, on est sollicité quasiment quotidiennement par des entreprises qui nous proposent soit de poser des panneaux sur nos terrains, soit sur nos toitures. Mais c'est vraiment une pression impressionnante. Il y a des formations aussi maintenant qui sont mises en place par différents organismes pour dire bah voilà, c'est quoi les intérêts pour moi en tant que paysan d'avoir une centrale photovoltaïque sur ma ferme, etc. Donc voilà, ça pousse. Donc il y a tout un lobbying en face, donc aussi bien le syndicat majoritaire que des entreprises privées, des communautés de communes, etc. Alors, la pression, pour le traduire, hein, c'est quoi ? C'est des appels, c'est des gens qui se déplacent, qui fournissent un comparatif et puis un plan, pourquoi pas, de financement et de rentrée d'argent. C'est ça, on ne demande rien et puis on nous propose quelque chose déjà tout étudié. Oui, c'est tout ça, mais clairement ici, c'est aussi d'être stigmatisé quand on s'oppose à des projets comme celui-ci. La pression, c'est ça déjà aussi. Enfin, pour nous, en tant que syndicat, la pression, elle est sur mais vous vous opposez à ce genre de projet, et pourtant l'agriculture, ça rapporte pas grand-chose, donc là, les paysans, ils peuvent essayer de gagner un peu plus. Mais en fait, non. Enfin, ça marche pas comme ça pour nous. Et c'est vrai que c'est sous couvert d'une démarche un peu vertueuse, en disant, voilà, on va produire finalement de l'énergie solaire, on va proposer aussi aux agriculteurs d'avoir un complément de salaire parce que l'activité n'est pas assez rémunératrice. Alors là, on rentre aussi dans ce débat-là. Hein. Finalement, c'est que ce métier de paysan, cette activité d'agriculture, elle est très, très compliquée en ce moment. Oui, puis des objectifs que l'État nous impose d'énergie renouvelable qui devaient être installés sur des territoires, etc. Donc ça peut être de l'éolien comme du photovoltaïque, etc. Mais nous, on dit qu'il y a d'autres solutions et il y a d'autres endroits pour poser des panneaux. Et là, on en parlera avec Forêt Agir, mais juste pour rester un peu dans ce point de vue-là institutionnel, la pression, donc on imagine un industriel, entreprise, pression institutionnelle, et puis est-ce qu'il existe une pression européenne, notamment, est-ce que des préconisations de la PAC existent par ces installations-là, oui ou non, mais est-ce que c'est on est plus dans du local en France plutôt que d'une échelle européenne. Ouais, non, pas directement en fait. C'est pas forcément une pression européenne, mais oui, c'est plus une pression locale parce que, comme je disais, des communautés de communes ont des territoires, ont des obligations d'installation d'énergie renouvelable, et donc il faut rentrer dans ces objectifs-là. Donc quand l'éolien n'est pas possible, il va falloir trouver ailleurs, enfin, d'autres solutions. Donc des fois, c'est le photovoltaïque au sol qui s'impose. Exactement. Alors, on est ici au Parc Expo, on a une surface de toiture assez impressionnante. Je ne suis pas monté sur le toit, je n'ai pas utilisé un drone pour regarder s'il y avait des panneaux photovoltaïques, mais je suis quasi persuadé qu'il n'y en a pas. Et puis, on a tout un tas d'équipements hein, qui existent dans les villes, des gymnases hein, avec des surfaces plutôt impressionnantes, des zones commerciales pas très loin d'ici aussi, hein, en bordure d'autoroute qui semble non équipée. Et forêt agir, fais un petit tour un peu hein, des lieux qui sont déjà bétonnés sur une utilisation particulière et vous êtes présent ici alors, pour parler un peu de vos actions mais également d'imaginer de trouver des solutions et que d'installer peut-être des panneaux photovoltaïques ailleurs que dans des prairies. Bien sûr, c'est une préoccupation pour nous. Et on va parler quand même d'un exemple criant, c'est celui de l'aéroport. L'aéroport de Saint-Étienne-Boutéon, lui, le contexte est un peu différent puisqu'il existe déjà depuis longtemps. La question qui se pose, c'est qu'il est largement déficitaire, subventionné chaque année largement par les collectivités locales et qui manque cruellement d'argent actuellement. Et on s'étonne que les choses n'évoluent pas. Alors, il y a eu un petit élément nouveau cette année, à savoir que le département qui finançait jusqu'à présent d'une manière assez conséquente a retiré une partie de sa subvention, 15% de subvention en moins, puis c'est le plus gros contributeur, le département. Et donc c'est déjà un signe, hein, après l'abandon de la station de Chalmazel, hein, bon, cette année en tout cas. Autre décision, celle de réduire la subvention pour le syndicat mixte de gestion de l'aéroport de 15%. Donc, on s'aperçoit quand même que certaines collectivités ont pris conscience que l'argent manquait cruellement, qu'il y avait d'autres priorités et qu'il était peut-être temps de réduire des subventions qui vont à des équipements, à des installations qui sont à perte chaque année. Et donc, nous, ça nous interroge beaucoup, à tel point qu'on a engagé un contentieux contre le département pour faire reconnaître que la subvention du département n'était pas légitime par rapport à cette installation. Voilà. Alors, on en est pour l'instant par rapport à cette structure-là. Et là, c'est l'objet de notre discussion, c'est que finalement, ce lieu-là existe, ce lieu-là est déjà bétonné, et c'est là où on peut se dire que cet endroit déficitaire, selon vos chiffres, et même selon les chiffres qui sont visibles de tous, peut être utilisé et peut rapporter aussi de l'argent, finalement, au lieu d'en coûter. Est-ce que, à Fort-Réagir, et notamment sur cette idée-là autour de l'aéroport, c'est quelque chose qui est proposé? Est-ce que finalement la mutation de ce lieu goudronné, bétonné, je ne sais pas, enfin ce tarmac, est-ce qu'on ne pourrait pas le transformer? Est-ce que vous, dans les différentes rencontres et dans finalement la mobilisation que vous avez et puis la sensibilisation, est-ce que c'est des choses que vous mettez en avant? Alors effectivement, on organise régulièrement des rencontres sur les communes de la plaine du Forêt. Et il faut savoir quand même que l'installation de l'aéroport, c'est une emprise de 120 hectares quand même. La surface bitumée, c'est 2300 mètres. La piste fait 2300 mètres par 45 mètres de large. Il y a une aire de stationnement de 3 hectares. Il y a des 6500 mètres carrés d'aérogare, des hangars. Sur cette partie-là, nous, on estime qu'on pourrait faire autre chose. Et notamment, puisqu'on parle de photovoltaïque, puisque là, c'est des surfaces qui sont déjà artificialisées, plutôt que d'artificialiser de nouvelles terres, notamment des terres agricoles, on pourrait s'en servir utilement pour implanter du photovoltaïque, si on veut, si on a la volonté de le faire. Voilà. Alors la volonté, et puis si l'on part de cet exemple de Nervion, on se heurte finalement à l'intérêt personnel d'une personne qui est propriétaire de son terrain et qui veut faire fructifier cette surface-là, et puis l'intérêt un peu collectif d'un lieu qui existe et qui reçoit, on va dire, de la subvention publique. Alors là, on se heurte vraiment à quelque chose qui est compliqué. En fait, on doit convaincre. Parler la Confédération paysanne tout à l'heure de pression dans d'autres départements. Est-ce qu'on a des exemples où finalement des compromis ont été trouvés sur ces installations et ces mutations de terres agricoles avec peut-être des arrangements, entre guillemets, arrangements dans le terme positif, mais où tout le monde s'y retrouve dedans? Est-ce que ça, c'est des choses sur des exemples qui existent? C'est compliqué à répondre, mais voilà, un paysan, un agriculteur qui a renoncé à une installation finalement pour le bien de tous, entre guillemets. Ouais, je pense pas que... Enfin, je sais pas si on peut parler de compromis, en fait, ouais. Parce qu'à partir du moment où on artificialise une terre agricole, pour moi, c'est pas un compromis, en fait. On s'assoit dessus. Donc, oui, on pourrait voir d'un œil extérieur qu'il y a certains départements qui ont trouvé des compromis. Mais pour nous, c'est pas des compromis, quoi. Ça, c'est des pertes nettes de terres agricoles. Donc, comme on vient de dire, il y a cet exemple-là, et encore, c'est quelque chose qui est encore en activité, mais il y a tellement de choses qui ne servent plus à rien, et toutes ces toitures dont tu parlais tout à l'heure, non, c'est pas négociable. En fait. Voilà, il y a un exemple. Allez-y. C'est pas négociable parce que il y a une étude de l'ADEME, quand même, qui a montré qu'il y avait, pour l'équivalent de 364 gigawatts sur des toitures déjà existantes, de 49 gigawatts sur des friches industrielles, donc y compris ce genre d'aéroport, et 4 gigawatts sur des parkings. Et alors qu'on sait que l'objectif de la France, qui a été déterminé par le gouvernement, c'est d'avoir 150 gigawatts de photovoltaïque installés en 2050. Donc là, on les a, on sait qu'en mettant sur les voitures, en mettant sur les parkings, c'est obligatoire actuellement, normalement tous les parkings de supermarchés devraient être couverts de panneaux photovoltaïques, c'est encore loin d'être le cas. Donc il y a vraiment plein d'endroits où mettre des panneaux ailleurs que sur des terrains agricoles. Donc actuellement, si on veut parler de compromis, le seul compromis qui a été trouvé, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques dans les champs sur des poteaux. Donc on les met en hauteur en disant on peut continuer à faire de l'agriculture dessous. Alors c'est particulièrement cocasse parce que pendant des années on a dit aux paysans coupez les arbres dans vos champs parce que ça gêne le passage des tracteurs. Alors ça gêne le passage des tracteurs, les arbres, mais par contre maintenant on va leur dire de mettre des poteaux pour mettre des panneaux photovoltaïques. Enfin, on a coupé des arbres qui apportaient quand même plein de services aux agriculteurs en termes d'ombrage pour les animaux, enfin, en termes de protection de la biodiversité, mais aussi c'est du bois, enfin, c'est vraiment valorisable, un arbre sur une prairie. Et après les avoir coupés, maintenant on dit on va mettre des panneaux, on va mettre des poteaux avec des panneaux au-dessus. Et pour faire de l'ombre. Pour faire de l'ombre pour nos animaux qui crèvent de chaud. Voilà. C'est comme ça qu'on nous le vend. C'est vachement bien parce que ça fait de l'ombre. Et donc c'est merveilleux, ça fait pousser mieux les prairies parce qu'elles sont ombragées en ces temps de réchauffement climatique. C'est vraiment fabuleux. Enfin, c'est complètement délirant. Et quelque chose de très logique, hein. Il y a des hangars où on stocke du matériel, il y a ces lieux en dur qui existent. Ça coûte combien, à titre d'exemple, de poser des panneaux photovoltaïques sur un hangar lorsqu'on est paysan, agriculteur ? Souvent pas grand chose parce que du coup c'est on a beaucoup de propositions où on nous fait un bâtiment en gros. On nous propose des bâtiments et donc avec des panneaux dessus. Donc le problème c'est que les bâtiments sont généralement très grands. Mmh. Il faut que ce soit suffisamment grand pour être rentable. Mais ça coûte rien à l'éleveur, aux paysans, enfin voilà. Et ça c'est un autre combat malgré tout parce que c'est un peu paradoxal parce qu'on dit qu'il faut mettre le photovoltaïque sur les toitures, mais là aujourd'hui il y a beaucoup de demandes de permis de construire de la part de paysans, enfin d'agriculteurs, de nouveaux hangars, pour couvrir du vent ou pour couvrir des choses qui n'ont pas besoin d'être couvertes. Ouais. Et juste parce que on leur propose de faire des bâtiments à moindre coût. Oui. Et forcément ils reçoivent une partie de cette solution clé en main. Voilà, c'est ça. Oui, on le voit assez souvent, hein, d'ailleurs. Donc là-dessus, on est assez vigilant aussi parce qu'il y a beaucoup de constructions, enfin de demandes de construction en tout cas. Donc on a des organes qui nous permettent de contrôler ça et de donner des avis pour les permis de construire, donc ils sont suivis ou pas. Mais Patricia, tu sièges, donc tu sais ce qu'il en est. Et c'est quelque chose qui fleurit aussi. Donc c'est une artificialisation aussi. Alors, justement. Oui, depuis 2 ans, on a clairement sur la Loire une inflation de construction de hangars agricoles qui sont souvent surdimensionnés. En fait, c'est des entreprises de photovoltaïque qui arrivent avec des bâtiments clés en main et ils font souvent entre 2000 et 3000 mètres carrés pour des paysans qui n'ont clairement pas besoin de ça. Enfin, on a vu vraiment des installations. Alors là, on essaye de le contrôler de plus en plus, mais c'est très très compliqué. Enfin, c'est vrai que les paysans disent oui, mais c'est pas cher. On va trouver des trucs à mettre. Alors c'est du coup, c'est un abandon des bâtiments existants. Enfin, on est en train de d'artificialiser petit à petit toutes les campagnes. Alors par ce genre de grands bâtiments, et puis on abandonne les anciens bâtiments parce que ça coûte plus cher de les couvrir. Enfin, ça rapporte moins d'argent de les couvrir de panneaux plutôt que d'en faire des neufs qui sont surdimensionnés et qui auront directement les panneaux sur le toit. Alors, je reviens sur cette question finalement, péjorativement, d'appât du gain. Mais alors, si c'est pas l'appât du gain, c'est aussi compléter. Et je reviens à cette question-là, c'est parce que j'imagine que chaque paysan n'a pas envie forcément de construire un nouveau bâtiment, mais c'est cette réalité-là que l'agriculture ne paye plus. Ouais, après, je pense que là, le phénomène dont on parle maintenant, c'est au-delà de l'appât du gain. Mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la pression, en fait. Pression, si tu vas pas dans ce sens-là, en fait, tu es un frein à l'évolution, à l'installation d'énergie renouvelable. Et on te juge. Enfin, t'es jugé, quoi, si tu le fais pas et si tu le refuses, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment 2 axes. Il y a l'appât du gain, dans certains cas, mais il y a vraiment aussi cette pression constante qu'on a parce qu'il faut aller vers ça et il faut continuer. Et si tu le fais pas, toi, si tu refuses de le faire, en fait, tu refuses d'être dans le progrès et d'avancer dans le sens où devrait avancer la société aujourd'hui, quoi. Oui, en fait, ça a déjà été dit, mais il faudrait quand même déjà utiliser toutes les surfaces existantes en toiture, que ce soit les bâtiments industriels, commerciaux ou même chez les particuliers, avant d'artificialiser des terres agricoles dont on a grandement besoin pour conserver notre indépendance alimentaire. La France doit lutter contre cette évolution et la disparition de ces terres fertiles. Voilà, moi c'est notre point de vue en tout cas. Alors dans cette discussion se posait aussi cette question-là d'artificialisation des terres agricoles sur une non-réponse finalement à la volonté de certaines personnes de s'installer en tant que paysans, d'être agriculteurs. Terre de Liens devait être ici sur cette discussion-là. Voilà, se pose la question finalement de la baisse du nombre d'agriculteurs, et si on artificialise ces sols-là, et ben forcément on aura plus de nouvelles personnes, plus de terrains disponibles. Ça aussi c'est important à mettre dans la balance. Ah ben c'est complètement ce qui est dans la balance. Ouais, même. C'est le nerf de la guerre, en tout cas pour la Confédération paysanne. Si on veut installer aujourd'hui, il faut garder des terres agricoles, ça c'est un fait. Après, il faut aussi arrêter de mettre de la valeur aux fermes existantes. Je veux dire, par là, c'est on agrandit les fermes, on construit des bâtiments, etc., etc. Et c'est des fermes qui ne sont plus reprenables financièrement. C'est des investissements trop lourds pour les jeunes, donc ils ne vont plus reprendre ces fermes. Et la politique de la Chambre de la Loire, mais des chambres d'agriculture d'une manière générale, c'est quand même va vers l'agrandissement. Même si on nous dit, mais non, on veut installer aussi des paysans, évidemment. Mais en fait, ça ne marche pas. En fait, si on agrandit les fermes, si on continue à agrandir les fermes, on ne pourra pas installer des jeunes parce que c'est pas reprenable. Et ça ne fait pas rêver, en plus. Ça fait rêver personne. On a plein de porteurs projets qui viennent nous voir. Notre association est l'ADR qui accompagne les installations, qui toquent à notre porte parce qu'ils ne sont pas entendus dans les chambres d'agriculture et qui veulent reprendre des fermes à taille humaine. Et c'est de moins en moins le cas. On en trouve de moins en moins sur notre territoire aussi. Donc il faut vraiment garder des structures de petite taille pour pouvoir installer encore des paysans demain. Quoi. Et partager. Partager finalement sûr. L'espace. Pour être dans du concret, vous dites énormément de personnes qui viennent toquer à votre porte. C'est quoi le nombre d'installations, de projets et de concrétisation de ces projets-là dans ces dernières années? Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Non, je préfère pas dire de chiffres plutôt que dire des âneries, okay. Parce que je ne les ai pas en tête. Voilà. Mais bon, et forcément, les gens qui toquent ne sont pas forcément des personnes qui vont s'installer. Mais ça veut dire que c'est des gens qui se sont posé la question et qui n'ont pas forcément trouvé le projet qui leur correspond. Après, il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de changer de territoire et des fois, il faut aller voir ailleurs parce qu'il n'y a pas forcément ce qui nous correspond sur un territoire bien précis. Mais en fait, souvent, c'est qu'on n'a pas l'offre en face aussi. On n'a pas les fermes qui correspondent à ce que voudraient faire les gens, enfin les porteurs de projets en tout cas. Un des oui, allez-y. Il faut voir aussi que ce problème du photovoltaïque risque d'engendrer une hausse des prix des terrains, puisque du coup, on peut gagner beaucoup en mettant du photovoltaïque. Donc du coup, pour nous, c'est particulièrement important de lutter contre ces projets qui vraiment risquent de surenchérir le prix du foncier et donc d'empêcher encore plus l'accès des jeunes au terrain. Alors, dans aussi cet exemple que l'on a pris à Nervieux, il était dans les arguments, il était dit que finalement cet espace-là avait servi de stockage de matériel pour la construction de cet échangeur. Donc finalement, c'est une terre qui aussi n'était plus utilisée pendant un certain temps. Donc la question peut être entre guillemets légitime en se disant cette terre a déjà été finalement artificialisée d'une manière non pérenne, voilà. Mais on a fait sans. Pourquoi devrait-on faire avec encore? Parce qu'on fait avec en ce moment. Depuis des années et des années, elle est utilisée pour l'agriculture. Encore une fois, je redis, cet agriculteur touche des aides PAC dessus. Donc ça veut dire qu'il valorise. Alors certes, dans son argumentaire, il nous dit qu'elle a vraiment une faible valeur, qu'il y a peu de surface de terre, de bonne terre, et dessous, c'est du caillou. Mais il n'empêche qu'on y est allé. Moi, j'ai amené mes chèvres un jour dessus, un jour où on est allé se mobiliser pour mettre en lumière ce projet-là. et il y avait de l'herbe, il y avait peut-être 30 cm d'herbe. Donc, ils poussent de l'herbe sur ces terrains-là aujourd'hui. Donc, ça serait un retour en arrière, certes, peut-être à un moment donné. Et en plus, là, c'est 10 hectares et je crois qu'il n'y a que 4 hectares qui avaient vraiment été utilisés pour déposer des gravats, etc. Donc, en fait, là, on a pris un îlot en disant que c'est un délaissé d'autoroute, alors que ce n'est pas les 10 hectares qui étaient du délaissé d'autoroute, c'était juste une petite partie de ces terres-là. Mais aujourd'hui, oui, ce que je voulais dire, c'est que l'agriculteur en question dit « ça n'a pas de valeur, je ne peux pas mettre d'animaux, etc. » Mais il ne peut pas mettre d'animaux dessus, il ne fait que du foin. Mais parce que c'est loin de sa ferme, ce n'est pas parce que c'est un délaissé d'autoroute. Donc, en fait, l'argumentaire en face ne tient pas. Et y a aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est en zone Natura 2000, il y a un intérêt pour les oiseaux, pour la faune et la flore localement. Et ça, quand on lit, en fait, l'argumentaire face au recours qu'on a fait, ça ne tient absolument pas la route. Alors, on va rester dans ce côté « je toque à la porte ». Dans ces cas-là, quelle pression, quel levier il faut actionner et quelles personnes institutionnelles vous alertez et quelles sont les réponses que vous avez face à ces questions et ces présentations de faits, sans parler de lobbying, mais vers qui vous vous tournez pour que ces questions-là soient discutées d'une manière globale? Tu n'y as pas participé, Patricia, mais avec la Chambre d'agriculture, en tout cas, il y a eu une discussion et il y a eu tout un travail qui a été fait, c'était qu'en 2024, je pense, pour discuter de ces problèmes-là. Mais voilà, après, on est consulté, c'est un avis qu'on donne, et du coup, après, c'est tout le monde qui vote, donc du coup, on n'est pas seul décisionnaire. Et non, mais typiquement, ce projet, ça a été le tribunal, parce qu'on a déjà actionné plusieurs choses. On a rencontré la DDT, le préfet, et c'est malgré tout le préfet qui a donné son accord pour ce permis de construire. Et c'est ce permis de construire-là qu'on dénonce par le tribunal, parce qu'il n'y a pas eu d'écoute. En tout cas, on a été entendu, mais pas écouté, vu qu'il a accepté. Après, il y a quand même une enquête publique qui est faite quand il y a un projet comme ça. Donc là, il faut vraiment se mobiliser. Enfin, je pense que la plupart des gens, des citoyens, peuvent aller répondre à une enquête publique et vraiment donner leur avis. Et c'est important. C'est une manière d'être écouté. Ça, c'est... Bon, alors après, c'est sûr qu'il y a Terre de Liens qui pourrait intervenir et qui par la propriété collective des terres, en fait. Ça, c'est plutôt des objectifs à long terme, on va dire. Mais c'est vrai qu'en reprenant une propriété collective des terres, on pourrait éviter ce genre de projet, parce qu'à ce moment-là, Terre de Liens qui achète des terres pour les mettre à disposition avec des loyers faibles pour des paysans, avec des projets souvent en agriculture biologique, c'est vraiment ferme la porte aux entreprises de photovoltaïque, par exemple, à tous ces projets de photovoltaïque. Donc c'est vrai qu'il faudrait beaucoup de propriétés collectives, et puis aussi que les collectivités, peut-être les collectivités territoriales, s'emparent du problème du foncier, parce que on est sur le problème du foncier agricole, clairement. Donc là, c'est vrai que si les collectivités s'en mêlaient et bloquaient ces projets, faisaient tout leur possible pour installer des paysans, pour contrôler le foncier, on aurait moins de problèmes avec le photovoltaïque. Ouais, il faut une volonté politique, quoi. C'est clair. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler la date limite pour l'enquête publique? Alors là, l'enquête publique de Nervieux, elle est passée depuis longtemps. Elle est passée? Ah bon? C'était il y a longtemps, c'était l'année dernière, l'enquête publique. Tout a été, tous les recours, il y a de moins en moins de recours d'ailleurs possibles. La loi a changé, donc les recours sont plus compliqués pour les associations et pour tous ceux qui veulent aller contre ces projets. Mais ça s'est terminé en mai 2025, où le préfet a fini par accepter le projet. Nous, on l'a su par les journalistes en juin 2025, et on a eu quelques semaines seulement pour déposer un recours au tribunal administratif. Donc là, il y a un recours qui est en cours, qui est mené par la CONF et par deux autres associations environnementales. Et il y avait aussi, c'est ce problème-là, c'est qu'on est peu averti. Les choses, on le sent bien, se font un peu en douce. Il y a un gros projet sur le Puy-de-Dôme, pareil, on vient d'être au courant. Et en fait, la Confédération paysanne a été avertie, a eu vent de ce projet alors que tout était déjà plié. Mmh. Donc, la Confédération paysanne et les citoyens, quoi. Donc effectivement, c'est bien un sujet qui se fait un peu en catimini pour ne pas alerter, parce qu'on est bien d'accord que ça questionne quand même finalement ce que l'on fait de l'existant. Ce projet dans le Puy-de-Dôme, est-ce qu'il y en a d'autres dans la Loire? Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous sillonnez finalement le territoire pour peut-être poser le regard sur des choses qui interrogent? Alors, il y a des projets dans la Loire qui sont déposés. Il faut des permis de construire, hein, quand même, pour faire un projet agrivoltaïque, pour poser des panneaux. Actuellement, il y en a plusieurs qui sont déposés. Il y en a le dernier dont j'ai eu connaissance, c'est un projet de 40 hectares dans la plaine du Forez. Donc, 40 hectares qui seraient couverts avec des panneaux. Alors, des panneaux un peu en hauteur. Alors, c'est pas très haut, c'est à 1,20 m. Pour mettre des moutons dessous. Ouais, enfin, 1,20 m, c'est quasiment au sol. Autant mais voilà. Mettre les moutons dans des caisses, finalement. On est d'accord. Mais oui, il y en a plusieurs. En tout cas, il y en a plusieurs. Il y a ce projet de 40 hectares. Il y en a un autre un peu plus petit. Mais oui, il y en a plusieurs. Alors, on les voit passer parce qu'ils passent en CDPNAF, qui est une commission de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, donc qui se tient à la DDT, où les syndicats, donc la Confédération paysanne aussi, sont représentés. Il faut se mobiliser à chaque fois pour éviter que le permis de construire soit accordé. Alors, je reviens sur l'agrivoltaïsme. Donc on a bien compris, c'est planter des poteaux et puis permettre, pourquoi pas, s'ils sont assez hauts, de faire passer les machines. Est-ce qu'on a un exemple d'agrivoltaïsme qui fonctionne, où finalement l'exploitant se dit que les virages sont un peu plus serrés, mais une manière différente, est-ce que c'est aussi une solution? On parlait de compromis qui n'existait pas, mais est-ce que ça marche d'expérience? Alors nous, on n'a pas d'expérience dans la Loire. Enfin, nous, on n'en connaît pas. Il y a des très mauvais exemples avec des serres agrivoltaïques, par exemple, qui ont été faites dans le sud-ouest. Enfin, il y a plusieurs endroits où il y a eu des serres agrivoltaïques, mais alors très grandes, plusieurs hectares de serres. En fait, ça ne marche pas du tout parce que ça fait beaucoup trop d'ombre. Donc les exemples qu'on a, c'était pour faire de la fraise, plusieurs hectares de fraises. Et ça n'a jamais fonctionné. Au bout de 2 ans, le paysan qui était en place a abandonné la culture parce qu'il ne pouvait rien faire sous les serres photovoltaïques. Et donc, on a maintenant plusieurs hectares de serres vides. Donc, c'est vraiment du désert parce qu'en plus, il n'y a plus d'eau qui peut venir sur ce sol. Plus personne n'arrose. Donc, c'est vraiment un désert complet. Donc ça, c'est des exemples. Après, il y en a d'autres où il y a de la prairie. Donc, c'est un peu plus simple. Les études de l'INRA sur les 5 dernières années, ils commencent à faire des études un peu sur le sujet. Donc, ils montrent que sur des prairies, ça peut fonctionner à peu près. C'est-à-dire qu'on a le même rendement avant et après les panneaux. Mais ils comparent par rapport à des prairies où il n'y a rien du tout. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous disent, finalement, avec des prairies ombragées, on a même plutôt un bon rendement parce que y a les panneaux, donc on a plutôt un bon rendement. Mais ils comparent avec des prairies sur lesquelles il n'y a rien, alors que le vrai comparatif devrait être fait avec des prairies sur lesquelles il y a des arbres, parce qu'il y a de l'ombre. Je pense qu'il n'y aura pas photo. Il vaut mieux avoir des arbres que des panneaux, de toute façon. Donc on peut montrer, si on veut montrer que ça marche, on peut. Sur des prairies, sur les autres cultures, ça ne marche pas. Il y a des essais, des essais en place sur des arbres, des cultures maraîchères, ça ne fonctionne pas. Des fruits, ça ne fonctionne pas. Toutes les autres, même les céréales, ça ne fonctionne pas. Donc les rendements sont supérieurs à 10%, ce qui est attendu dans la loi. Enfin, on n'a pas le droit, normalement, quand on installe des panneaux photovoltaïques en agriculture, d'avoir une baisse de rendement de plus de 10%. Et alors, en prairie, ça fonctionne, ça peut fonctionner à peu près, mais pour les autres, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc on est d'accord là-dessus, vous démontrez le fait que ça ne fonctionne pas, et là, on heurte l'intérêt privé, et puis la non-participation des institutions. En fait, il faut se mettre autour d'une table pour réfléchir à ça. Et puis, ce dont on ne parle jamais non plus, c'est que au bout d'une trentaine d'années, hein, quand les panneaux seront arrivés au bout de leur rendement, on va dire, il va falloir démanteler. Mmh. Et le prix du démantèlement n'est jamais pris en compte. Ouais, et peut-être donc, à la charge de l'agriculteur. Pour l'instant, on ne sait pas à la charge de qui il sera. Et il est évalué à 60 000 euros par mégawatt crête installée. Donc c'est énorme. Et on est en train de s'en rendre compte que finalement, ce qui a été gagné pendant les 30 ans en vendant de l'électricité sera perdu au moment où il faudra démanteler. Donc personne ne voudra démanteler. Du coup, on risque de se retrouver à terme avec des friches de panneaux photovoltaïques dans nos champs. Enfin, là, et pour l'instant, là, on est seulement en train de prendre conscience de ce vers quoi on va. Bon, on a tous cette image-là. Merci de cette explication. Alors, pour le public présent ici, est-ce que vous souhaitez poser des questions à nos intervenants? Il y a un micro qui est disponible si vous souhaitez, si vous avez des questions, monsieur. On vous apporte le micro très rapidement, à la manière d'un sprinter. Merci, Lionel. Alors, allez-y, c'est parti. Donc, je suis François Devers, je suis administrateur chez Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nous tous, ce qu'on fait aujourd'hui comme photovoltaïque, c'est toutes des terres qui ne sont pas agricoles. Et c'est écrit et on n'y va pas. Sauf qu'il y a 3 ans, on a été contacté par des sociétaires qui sont agriculteurs et qui nous ont demandé si... à petite échelle, parce qu'il y a toujours dans le photovoltaïque les gros projets qui détruisent tout, et il y a des petits projets quand même qui sont intéressants. Et aujourd'hui, on a toute une réflexion justement là-dessus, et entre autres, c'est pour ça que je suis venu, c'est pour avoir votre point de vue, que je connaissais un peu, hein, parce que la Confédération Paysanne, il y a longtemps que la charte a été faite et on l'utilise. Et donc ma question, c'est de dire... si on a un sociétaire pour une raison qui, alors sur des prairies, hein, veut faire quelque chose, est-ce qu'à un moment donné, parce que ça a un sens pour lui, est-ce qu'on doit y aller ou est-ce qu'on ne doit pas y aller? Alors, c'est vos responsabilités. Non, mais typiquement, tu dis, on a... Pardon, je me rapproche le micro. On a... on va sur des terres non agricoles. Je le rappelle, Nervieux est une terre non agricole, sur le papier. Voilà. Non, mais voilà, c'est notre point de vigilance, il est vraiment là. C'est de se dire, attention, c'est pas que sur le papier que ça doit être marqué que c'est pas agricole. Il faut que physiquement, en fait, ces terres, elles ne soient pas exploitables. Mais voilà, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Quand on était sur les terres de Nervieux, donc on est en bordure d'autoroute, et entre l'autoroute et le pré où on était, il y a une surface, je ne sais pas exactement, mais il devait y avoir au moins 30 mètres d'herbe non utilisée. Et on se dit, mais pourquoi les panneaux, ils ne pourraient pas être posés sur le bord de l'autoroute, au final? Parce que là, donc, il y a l'autoroute, il y a des barrières, et ensuite, il y a tout cet espace qui n'est pas utilisé, puis une clôture. Pourquoi on ne met pas les panneaux ici, plutôt que dans un pré où on peut faire du foin et élever des animaux? Donc, moi, je serais modérée encore avec ça, parce que les intérêts, chaque paysan peut trouver un intérêt à faire, même à petite échelle, sur sa ferme, parce que ça sera toujours plus rentable que de cultiver de l'herbe dessus, quoi. Mais je pense, à partir du moment où c'est une terre agricole, c'est non. Enfin, je pense qu'on partage plutôt ça à la Confédération Paysanne. Alors, sans être connaisseur, une terre non exploitable, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que... Je sais pas, ça peut être quelque chose d'enclavé ou de trop humide. Mais si c'est trop humide, ça a des intérêts écologiques. Franchement, là, typiquement, au bord de l'autoroute, c'est non exploitable. C'est trop près de l'autoroute. On peut pas aller y mettre des animaux, c'est dangereux, etc. Donc, c'est un peu en pente. Voilà, pour moi, c'est ça, ce genre, le genre de terrain qui n'est pas exploitable pour l'agriculture. Non, mais je suis voilà, pour définir ça pour nos spectateurs et auditeurs, parce qu'effectivement, c'est assez bien d'avoir ces définitions-là. Une autre question, s'il vous plaît. Donc, merci, bonjour. Je m'appelle Arnaud Ridard et je suis doctorant, ingénieur aussi. Et donc, je m'interrogeais sur la notion d'artificialisation qui a beaucoup été question aujourd'hui, dont il a été question aujourd'hui. Et si on définissait une zone non artificielle, on penserait directement aux zones naturelles. Et je me disais qu'il y avait sûrement une gradation entre une zone naturelle et une zone complètement artificialisée, bétonnée, comme ça a été mentionné sur le cas de l'aéroport. Et on pourrait faire un autre calcul qu'un calcul économique, c'est-à-dire un calcul sur le gain en termes d'impact environnemental. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux convertir, par exemple, des zones d'agriculture conventionnelle en zones de production d'énergie, dans le cas où cette agriculture conventionnelle a des grands impacts environnementaux négatifs? Bien sûr, l'agriculture biologique, à mon avis, devrait être préservée de cette artificialisation, mais dans le cas de l'agriculture conventionnelle, j'aimerais connaître votre avis. Non, après, des terres qui sont cultivées aujourd'hui en conventionnel, on arrête de les cultiver en conventionnel, on les passe en agriculture biologique, ça prend quelques années, mais il n'empêche que c'est réversible. Une terre artificialisée, beaucoup plus difficile. Après, sur des panneaux, on enlève les panneaux, et voilà, mais ça engendre le coût dont on a parlé. Après, quand c'est bétonné, c'est encore autre chose. Donc oui, il y a des gradations entre une zone naturelle et artificialisée. Bah, il y a toutes les terres agricoles au milieu, quoi. Et dans les terres agricoles, il y a les terres en agriculture biologique et puis les terres en agriculture intensive. Mais il n'empêche qu'il y a des retours possibles en arrière quand on est... et heureusement, d'ailleurs, ça, c'est ce qui permet les conversions d'une ferme conventionnelle en agriculture biologique. Donc suivant l'intensité du travail qui a été fait sur cette terre, ça prend plus ou moins de temps, mais en tout cas, c'est possible. Ça répond à votre interrogation. Oui. Après, je m'interroge bien sûr sur le fait que ce soit totalement réversible, le fait de passer de conventionnel à biologique. Il y a sûrement des impacts qui prennent beaucoup plus de temps que quelques années. Ah non, mais on est bien d'accord là-dessus. Mais il n'empêche que ce sera toujours mieux après. Voilà. Alors, d'autres questions peut-être dans le public? Sinon, on peut conclure cette discussion. En tout cas, comment on peut se renseigner, notamment, est-ce que c'est public? Est-ce que, suite à cette discussion, on peut avoir un lieu ressource sur Internet ou même un lieu où on peut trouver un peu tous ces projets en cours pour avoir conscience, finalement, de ce qui se passe avec ces dépôts de permis de construire, etc. Est-ce qu'il y existe, et même au sein de la conf, est-ce que vous avez répertorier quelque part sur un site internet ces lieux en mutation, en transformation? Non, pour l'instant il n'y a rien du tout. Les projets arrivent un peu au fil de l'eau et non, pour l'instant, enfin, il faut surveiller les enquêtes publiques s'il y en a sur votre commune. Ça, c'est vraiment très important. Je crois que les citoyens dans l'ensemble ne se rendent pas assez compte, et puis de toute façon le système des enquêtes publiques est très mal fait puisque les habitants sont rarement informés à l'avance de cette tenue des enquêtes publiques. Ça, c'est un vrai problème démocratique. Si sur la commune où vous êtes, il faut de temps en temps aller voir à la mairie ou sur le site de la mairie les enquêtes publiques qui sont en cours et ne pas hésiter à nous contacter, à répondre à l'enquête publique, à aller discuter avec le commissaire enquêteur. Il y a souvent quelqu'un qui présente le projet. Et voilà, ça c'est vraiment... je pense que tous les citoyens peuvent le faire. Il ne faut pas hésiter à s'en emparer. L'un des arguments de la préfecture pour contrer notre recours, là, c'est de dire mais il y a eu une enquête publique et très peu de personnes se sont manifestées pour dire qu'on est contre. Alors, du coup, ça fait finalement écho à une discussion que l'on a eue hier sur ce plateau radio avec l'intervention de Tristan Richid. C'est réanimer la démocratie et c'est le fait finalement de subir en tant que citoyen toutes les décisions alors qu'on peut s'y investir. C'est le cas de Faut Réagir avec des propositions de réunions publiques où vous invitez tout citoyen à se renseigner. Alors peu importe si on est d'accord ou pas d'accord avec vous, mais en tout cas c'est ouvert. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des réunions prévues bientôt, ou comment peut-on se renseigner sur finalement ce que vous développez ? Bon, il n'y a pas de réunion prévue dans l'immédiat, mais en général, on communique par voie de presse, par Facebook, enfin tous les modes de communication actuels quand on organise une réunion publique, et il y en aura forcément dans les prochains mois. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cette table ronde à l'occasion donc de ce 20e anniversaire, 20e édition de Tatou Juste. Merci Patricia Simonin, Stéphanie Moulin de la Confédération Paysanne. Merci Gilles Collange de Forêt Agir. Merci au public d'avoir été présent. Merci aux auditeurs aussi.